I try to sing. Are you ready? Living easy, living free. Season ticket on a one-way ride. Asking nothing, let it be. Taking everything in my stride. Don't need reason, don't need rhythm. And nothing I would rather do. Going all party time. My friend, I oula, oula, c'est pas terrible. I prefer French, French. I prefer to sing French. I try. C'est en français. Avec le ton, casser la voix. Deux, trois, quatre. Avec le temps, tout s'efface. La vie défile, c'est efficace. On envisage, on dévisage. Les libertés se décarcassent. Avec le temps, tout s'efface. Les erreurs et les fautes de goût. Les menteurs, les mateurs jusqu'au bout. Tout s'efface, les amis, les ennemis, les regards, les humeurs, les honneurs, les cauchemars, les idées, les mots, les cris, la mémoire collective, les bourreaux y survivent, la misère pour compagne, la gangrène qui gagne. Ah, désolé, faut que je m'en aille. il me reste 5 minutes. Il me reste 5 minutes. Un, deux, trois, quatre. Avec le temps, tout s'efface. La vie défile, c'est efficace. On envisage, on dévisage. Les libertés se décarcassent. La mémoire collective, les bourreaux y survivent. Nouvel ordre mondial, la nouvelle dérive. Avec le temps, tout s'efface. Les erreurs et les fautes de goût, les menteurs, les mateurs jusqu'au bout, les salauds, les héros et les races. La mémoire collective, les bourreaux y survivent. Nouvel ordre mondial, la nouvelle dérive. Allez, à toi. Mesdames et messieurs, Dillville à la guitare. La mémoire collective, les bourreaux y survivent. Nouvel ordre mondial, la nouvelle dérive. Avec le temps, tout s'efface. Les amis, les ennemis, les regards, les humeurs, les honneurs, les cauchemars, les idées et les mots, les cris, la mémoire collective, les bourreaux y survivent, la misère pour compagne, la gangrène qui gagne. La mémoire collective, les bourreaux y survivent. La misère pour compagne, la gangrène qui gagne. Allez! Je voudrais remercier Divaï la guitare. Très joli morceau de Divaï. Merci, à bientôt. We'll be right back.